Saignera quand même. Le fils de l'ophtalmologue, lui, a les yeux les plus performants. Le papa ophtalmologue y veille. Mais un jour, dans l'obscurité, le fils de l'ophtalmo trébuchera quand même. Forgive me, mom. I did wrong. I'm sorry. Without your love, I'm not here. Without your love, I'm destroyed. Mama, forgive me. Mama Cameroun, Mama Côte d'Ivoire, Mama Yakabo, Mama Limbisa, Mama, Mama Yakongo, Brazzaville, Papa del Pirlo Mourinho, Papa de Saint James Charles, Papa du Risto, Diego Rokina et Elvis, Mama Apologize. Général Ndengue. Blessings. Barry Mingeye in Naya.